George Sand par Émile Faguet. Chapitre 1er, sa vie. Lucie Laurore Dupin, baronne du Devant par son mariage, qui prit dans la vie littéraire le pseudonyme de George Sand, est née à Paris en 1804. Elle était d'une très ancienne et riche famille bourgeoise. Son grand-père était fermier général, son père était un officier mort jeune qu'elle a à peine connu. Elle fut élevée quelque temps par sa mère, femme aimable, un peu frivole et assez bornée, puis par sa grand-mère, Madame Dupin, froide, cérémonieuse et solennelle. Elle s'éleva à peu près seule. Son enfance et son adolescence se passèrent en entier dans le Berry, dans ses ravins mystérieux, ses landes mélancoliques, ses traînes, ses chemins creux qu'elle a toujours adorés. D'un tempérament solide et calme, d'une imagination ardente, de traits qu'il ne faut pas oublier, elle marchait, courait dans ces pays doux et tristes, en promenade interminable, curieuse de mœurs rustiques, de botanique, de paysages et de fatigue physique. Elle emportait dans ses courses un volume de Chateaubriand ou de Jean-Jacques Rousseau. Ce fut tout son apprentissage intellectuel. Comme presque tous ceux qui ont eu un grand talent littéraire, elle n'apprit point à écrire dans son enfance. À 16 ans, on la maria. Monsieur Dudevant, dont elle s'est plainte beaucoup, ne semble avoir eu d'autre défaut que d'être un homme ordinaire, ce qui du reste est insupportable à une femme supérieure, et la réciproque est vraie. Il faut bien reconnaître que les esprits exceptionnels sont condamnés à la solitude, qui du reste leur est très mauvaise, d'où il suit qu'il est rare qu'ils ne soient pas malheureux. C'est la rançon de leur génie qu'ils payent ainsi. Madame Dudevant ne se sentait point de génie, mais elle souffrait de n'en point trouver autour d'elle. On vécut pourtant comme l'on put pendant 10 ans. En 1830, on se sépara par simple arrangement privé, M. Dudevant assurant une pension modique. Madame Dudevant, amenant ses 2 enfants, vint à Paris pour y trouver du travail, avec si peu d'ambition littéraire qu'elle fit d'abord de la peinture industrielle, puis elle songea à écrire. Elle connaissait de Latouche, son compatriote, qui avait créé un petit journal littéraire, Le Figaro. Elle s'y essaya. Elle ne réussit nullement. Elle n'avait aucun talent de journaliste. La facilité de travail était incroyable chez elle. Mais l'allure vive et alerte, elle ne l'eut jamais. Il lui fallait toujours plus d'une colonne. Quand je commençais à commencer, c'était le moment de finir. Latouche enrageait, la rudoyait. Mais avec l'instinct littéraire qu'il eut toujours, la poussait au roman. Bah pour le roman. Ce fut là sa vocation. Les vocations vraies s'ignorent longtemps. Avec un autre de ses compatriotes, Jules Sandeau, elle écrivit un petit roman, Rose et Blanche, qui est très insignifiant, mais qui eut un certain succès, 1831. 6 mois après, elle lança Indiana, signée George Sand, 1832. Le succès fut considérable. La baronne Dudevant n'existait plus. George Sand était né. Dès lors, en faveur, recherchée par les recueils périodiques, bientôt liée à la revue des deux mondes qu'elle ne quitta guère, sauf quelques brouilles, qu'en cessant de vivre, elle produisit avec une fécondité prodigieuse, sans ralentissement, et avec une ponctualité de notaire, comme disait Bulloz. En moyenne, elle écrivait 2 volumes par an, plus quelques nouvelles, quelques articles, plus tard quelques adaptations de ses romans pour le théâtre. Ajoutée une correspondance qui, très écourtée, a fourni 6 volumes. Elle ne relisait guère, et ne raturait jamais. Elle traçait indéfiniment son sillon d'une allure tranquille, à l'ordinaire écrivant 7 heures par jour, de 10 heures du soir à 5 heures du matin. Tout n'est pas faux dans la légende qui la représente, finissant un roman à minuit, le pliant pour l'envoyer à la revue le lendemain, et en commençant un autre. C'est ainsi que parurent, à des intervalles très rapprochés, Valentine en 1832, Lélia, immense succès, en 1834, Jacques, en 1834, André, Léon et Léonie, en 1835, Simon, en 1836, je ne cite que les principaux. En 1836, certaines aventures romanesques trop retentissantes avaient rendu nécessaire une rupture officielle avec son mari. La séparation fut prononcée. La réputation littéraire de George Sand était alors à son apogée. Elle vivait à Paris, voyageant parfois au gré d'une humeur vagabonde qui s'associait chez elle au labeur le plus régulier, Elle vit l'Italie, le Tyrol, la Suisse, l'Espagne. Tout le monde littéraire et artistique la recherchait. Ses amis de cette époque furent Latouche, Planche, Musset, Lamennais, Béranger, les musiciens Chopin et Liszt, l'acteur Bocage. Elle ne fut point liée avec Victor Hugo, ni avec Lamartine. Elle s'instruisait beaucoup, chemin faisant, apprenant l'italien, qu'elle sut très bien, un peu l'anglais, le latin, développant le sentiment et se donnant l'intelligence de la musique, lisant beaucoup, écoutant avec une ardeur infinie et d'autant plus facilement qu'elle aimait la causerie et ne causait pas, merveilleusement habile et prompte à s'assimiler tout ce qui venait à ses oreilles ou à ses yeux et à le transformer en l'embellissant. « C'est un écho qui agrandit la voix », disait Latouche. Et les romans se multipliaient, Mopra, 1837, Les sept cordes de la lyre, 1840, Consuelo, 1842, Jeanne, 1844, Le meunier d'Angibaud, 1845, La mare au diable, 1846, Lucrezia Floriani, 1847, Le péché de Monsieur Antoine, 1847, La petite fadette, 1848, François Le Champier, 1850, d'un autre d'un moindre succès. Dans les 10 dernières années du règne de Louis-Philippe, elle s'est prise très vivement de politique démocratique et socialiste, fut très liée avec Ledru Rollin, Jean Reynaud, Pierre Leroux, Barbès. La révolution de 1848 l'enivra. Elle y prit part en rédigeant le bulletin de la République, organe populaire du ministère de l'Intérieur. Un peu refroidie par les journées de juin, elle donna sa démission politique, comme elle dit, et se retira dans son Arcadie. Après le coup d'État de 1851, elle se compromit gravement auprès de ses amis politiques et s'honora aux yeux de tous les hommes de cœur en sollicitant avec la plus touchante opiniâtreté de Napoléon III, de l'impératrice Eugénie, du prince Jérôme, des ministres, une multitude de grâces en faveur des proscrits. Sous l'Empire, elle s'occupa exclusivement de littérature. Elle donna, entre autres ouvrages, Les Maîtres Sonneurs, 1852, Les Beaux Messieurs de Bois Doré, 1858, Le Marquis de Villemer, 1860, Mademoiselle la Quintigny, 1863, La Confession d'une jeune fille, 1865, Mademoiselle Merkem, 1870, et fit représenter un grand nombre de pièces tirées de ses romans, dont deux seulement ont eu un grand succès, Les Beaux Messieurs de Bois Doré et Le Marquis de Villemer. Elle vieillit, au milieu de son cher Berry, dans son château de Nohant, vigoureuse, infatigable, entre son fils Maurice Sand, sa belle-fille et ses petites filles qu'elle adorait, très aimée et vénérée elle-même, bienfaisante et ingénieuse en bienfaits, faisant oublier par la sérénité de cet automne les incartades d'une jeunesse aventureuse, calme, toujours plus calme, selon le mot de Schiller qu'elle aimait à répéter, très recherchée des représentants les plus illustres de la nouvelle génération littéraire, Edmond Abou, Dumas fils, Gustave Flaubert, aimant ce dernier d'une affection tendre et vraiment maternelle, où entrait une exquise pitié. La bonne dame de Nohant laissa interrompu le 31 mai 1876 le roman qu'elle écrivait, et le 8 juin, elle expira dans sa 73e année. Le dernier mot de sa mère, un peu vaine, avait été « Arrange-moi les cheveux ». Ses dernières paroles à elle furent « Ne détruisez pas la verdure ». Elle songeait sans doute à un berceau du jardin où elle aimait à se reposer, peut-être à ses bois de la marche, à ses traînes du Berry qu'elle avait enchantées, qu'elle voyait disparaître peu à peu avec regret.